Rhapsodie 10. Les chefs des Panachaïens dormaient dans la nuit auprès des nefs, domptés par le sommeil. Mais le doux sommeil ne saisit point l'Atréide Agamemnon, prince des peuples. Il roulait beaucoup de pensées dans son esprit. De même que l'époux de Héré lance la foudre, ce grand bruit précurseur des batailles amères, ou de la pluie abondante, ou de la grêle pressée, ou de la neige qui blanchit les campagnes, de même Agamemnon poussait de nombreux soupirs du fond de sa poitrine, et tout son cœur tremblait quand il contemplait le camp des Troyens et la multitude des feux qui brûlaient devant Ilios, et qu'il entendait le son des flûtes et la rumeur des hommes. Il regardait ensuite l'armée des Achaïens, et il arrachait ses cheveux qu'il vouait à l'éternel Zeus, et il gémissait dans son cœur magnanime. Il vit que le mieux était de se rendre auprès du Néléon, Nestor, pour délibérer sur le moyen de sauver ses guerriers et de trouver un remède aux maux qui accablaient tous les Danaïens. Et, s'étant levé, il revêtit une tunique, attacha de belles sandales à ses pieds robustes, s'enveloppa de la peau rude d'un lion grand et fauve et saisit une lance. Et voici que la même terreur envahissait Ménélaos. Le sommeil n'avait point fermé ses paupières, et il tremblait en songeant aux souffrances des Argiens qui, pour sa cause, ayant traversé la vaste mer, étaient venus devant Troie, pleins d'ardeur belliqueuse. Il couvrit son large dos de la peau tachetée d'un léopard, posa un casque d'airain sur sa tête, saisit une lance de sa main robuste, et sortit pour éveiller son frère qui commandait à tous les Argiens, et qu'ils honoraient comme un dieu. Il le rencontra, revêtu de ses belles armes, auprès de la poupe de sa nef. Et Agamemnon fut joyeux de le voir, et le brave Ménélaos parla ainsi le premier. « Pourquoi t'armes-tu, frère? Veux-tu envoyer un de nos compagnons épier les Troyens? Je crains qu'aucun de ceux qui te le promettront n'ose seul, dans la nuit divine, épier les guerriers ennemis. Celui qui le fera, certes, sera plein d'audace. » Et le roi Agamemnon, lui répondant, parla ainsi. Il nous faut à tous deux un sage conseil. Ô Ménélaos, nourrissons de Zeus, qui nous aide à sauver les Argiens et les Nefs, puisque l'esprit de Zeus nous est contraire et qu'il se complète au sacrifice de Hector beaucoup plus qu'au nôtre. Je n'ai jamais ni vu ni entendu dire qu'un seul homme ait accompli en un jour autant de rudes travaux que Hector, cher à Zeus, contre les fils des Achaïens, bien qu'il ne soit né ni d'une déesse ni d'un dieu. Et je pense que les Argiens se souviendront amèrement et longtemps de tous les maux qu'il leur a faits. Mais va, cours vers les Nefs, appelle Aïas et Idoménéus. Moi, je vais trouver le divin Nestor afin qu'il se lève et vienne vers la troupe sacrée des gardes et qu'il leur commande. Ils l'écouteront avec plus de respect que d'autres, car son fils est à leur tête, avec Mériones, le compagnon d'Idoménéus. C'est à eux que nous avons donné le commandement des gardes. Et le brave Ménélaos lui répondit, « Comment faut-il obéir à ton ordre? Resterai-je au milieu d'eux en t'attendant, ou reviendrai-je promptement vers toi, après les avoir avertis? » Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit, « Reste, afin que nous ne nous égarions point tous deux en venant au hasard au-devant l'un de l'autre, car le camp a de nombreuses routes. Parle à voix haute sur ton chemin et recommande la vigilance. Adjure chaque guerrier au nom de ses pères et de ses descendants. Donne des louanges à tous, et ne montre point un esprit orgueilleux. Il faut que nous agissions ainsi par nous-mêmes, car dès le berceau, Zeus nous a infligé cette lourde tâche. » Ayant ainsi parlé, il congédia son frère, après lui avoir donné de sages avis, et il se rendit auprès de Nestor, prince des peuples. Et il le trouva sous sa tente, non loin de sa nef noire, couché sur un lit épais. Et autour de lui étaient répandues ses armes aux reflets variés, le bouclier, les deux lances, et le casque étincelant, et le riche ceinturon que ceignait le vieillard quand il s'armait pour la guerre terrible, à la tête des siens, car il ne se laissait point accabler par la triste vieillesse. Et, s'étant soulevé, la tête appuyée sur le bras, il parla ainsi à l'Atréide. « Qui es-tu qui viens seul vers les nefs, à travers le camp, au milieu de la nuit noire, quand tous les hommes mortels sont endormis? Cherches-tu quelque garde ou quelqu'un de tes compagnons? Parle, ne reste pas muet en m'approchant. Que te faut-il? » Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit, « Ô Nestor Néléiade, illustre gloire des Achaïens, reconnais l'Atréide Agamemnon, celui que Zeus accable entre tous de travaux infinis, jusqu'à ce que le souffle manque à ma poitrine et que mes genoux cessent de se mouvoir. J'erre ainsi parce que le doux sommeil n'abaisse point mes paupières et que la guerre et la ruine des Achaïens me rongent de soucis. Je tremble pour les Danaïens et je suis troublé et mon cœur n'est plus ferme et il bondit hors de mon sein et mes membres illustres frémissent. Si tu sais ce qu'il faut entreprendre, et puisque tu ne dors pas, viens, rendons-nous auprès des gardes et sachons si, rompus de fatigue, ils dorment et oublient de veiller. Les guerriers ennemis ne sont pas éloignés, et nous ne savons s'ils ne méditent point de combattre cette nuit. » Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit, « Atréide Agamemnon, très illustre roi des hommes, le prudent Zeus n'accordera peut-être pas à Hector tout ce qu'il espère, et je pense qu'il ressentira à son tour de cruelles douleurs, si Achilleus arrache de son cœur sa colère fatale. Mais je te suivrai volontiers, et nous appellerons les autres chefs, le Tydéide illustre par sa lance, et Odysseus, et l'agile Aias, et le robuste fils de Phileus, et le divin Aias aussi, et le roi Idoménéus. Les nefs de ceux-ci sont très éloignés. Cependant, je blâme hautement Ménélaos, bien que je l'aime et le vénère, et même quand tu t'en irriterais contre moi. Pourquoi dort-il, et te laisse-t-il agir seul? Il devrait lui-même exciter tous les chefs, car une inexorable nécessité nous assiège. » Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit, « Ô vieillard, je t'ai parfois poussé à le blâmer, car il est souvent négligent et ne veut point agir, non qu'il manque d'intelligence ou d'activité, mais parce qu'il me regarde et attend que je lui donne l'exemple. Mais voici qu'il s'est levé avant moi et qu'il m'a rencontré, et je l'ai envoyé appeler ce que tu nommes. Allons, nous les trouverons devant les portes, au milieu des gardes, car c'est là que j'ai ordonné qu'ils se réunissent. » Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit, « Nul d'entre les Argiens ne s'irritera contre lui et ne résistera à ses exhortations et à ses ordres. » Ayant ainsi parlé, il se couvrit la poitrine d'une tunique, attacha de belles sandales à ses pieds robustes, agrafa un manteau fait d'une double laine pourprée, saisit une forte lance à pointe d'airain et s'avança vers les nefs des Achaïens cuirassés. Et le cavalier gérénien Nestor, parlant à haute voix, éveilla Odysseus égal à Zeus en prudence. Et celui-ci, aussitôt qu'il eut entendu, sortit de sa tente et leur dit, « Pourquoi errez-vous seul, auprès des nefs, à travers le camp, au milieu de la nuit divine? Quelle nécessité si grande vous y oblige ?» Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit, « Laertiade, issu de Zeus, subtil Odysseus, ne t'irrite pas. Une profonde inquiétude trouble les Achaïens. Suis-nous donc, et éveillons chaque chef, afin de délibérer s'il faut fuir ou combattre. » Il parla ainsi, et le subtil Odysseus, étant rentré sous sa tente, jeta un bouclier éclatant sur ses épaules, et revint à eux. Ils se rendirent auprès du Tédéide Diomédès. Ils le virent hors de sa tente avec ses armes. Et ses compagnons dormaient autour, le bouclier sous la tête. Leur lance était plantée droite, et les reins brillaient comme l'éclair de Zeus, et le héros dormait aussi, couché sur la peau d'un bœuf sauvage, un tapis splendide sous la tête, et le cavalier gérénien Nestor, s'approchant, le poussa du pied et lui parla rudement. « Lève-toi, fils de Tydéus, pourquoi dors-tu pendant cette nuit? N'entends-tu pas les Troyens dans leur camp sur la hauteur, non loin des nefs? Peu d'espace nous sépare d'eux. » Il parla ainsi, et Diomédès, sortant aussitôt de son repos, lui répondit par ces paroles ailées. « Tu ne te ménages pas assez, vieillard. Les jeunes fils des Achaïens ne peuvent-ils aller de tous côtés dans le camp et veiller chacun des rois? Vieillard, tu es infatigable en vérité. » Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit, « Certes, ami, tout ce que tu as dit est très sage. J'ai des guerriers nombreux et des fils irréprochables. Un d'entre eux aurait pu parcourir le camp, mais une dure nécessité assiège les Achaïens. La vie ou la mort des Argiens est sur le tranchant de l'épée. Viens donc, et si tu me plains, car tu es plus jeune que moi, éveille l'agile Aias et le fils de Phileus. » Il parla ainsi, et Diomédès, couvrant les épaules de la peau d'un grand lion fauve, prit une lance, courut éveiller les deux rois et les amena. Et bientôt, ils arrivèrent tous au milieu des gardes, dont les chefs ne dormaient point et veillaient en armes, avec vigilance. comme des chiens qui gardent activement des brebis dans l'étable et qui, entendant une bête féroce sortie des bois sur les montagnes, hurlent contre elle au milieu des cris des pâtres, de même veillaient les gardes, et le doux sommeil n'abaissait point leurs paupières pendant cette triste nuit. Mais ils étaient tournés du côté de la plaine, écoutant si les Troyens s'avançaient. Et le vieillard Nestor, les ayant vus, en fut réjoui. Et les félicitant, il leur dit, en paroles ailées, « C'est ainsi, chers enfants, qu'il faut veiller, que le sommeil ne saisisse aucun d'entre vous, de peur que nous ne soyons le jouet de l'ennemi. » Ayant ainsi parlé, il passa le fossé, et les rois argiens, convoqués au conseil, le suivirent, et avec eux Mériones et l'illustre fils de Nestor, appelés à délibérer aussi. Et lorsqu'ils eurent passé le fossé, ils s'arrêtèrent en un lieu d'où l'on voyait le champ de bataille, là où le robuste Hector, ayant défait les Argiens, avait commencé sa retraite dès que la nuit eut répandu ses ténèbres. Et c'était là qu'ils délibéraient entre eux. Et le cavalier gérénien Nestor parla ainsi le premier. « Ô ami, quelque guerrier, sûr de son cœur audacieux, veut-il aller au milieu des Troyens magnanimes ? Peut-être se saisirait-il d'un ennemi sorti de son camp, ou entendrait-il les Troyens qui délibèrent entre eux, soit qu'ils veuillent rester loin des nefs, soit qu'ils ne veuillent retourner dans leur ville, qu'ayant dompté les Achaïens. Il apprendrait tout et reviendrait vers nous sans blessure. Il aurait une grande gloire sous l'Ouranos, parmi les hommes, ainsi qu'une noble récompense. Les chefs qui commandent sur nos nefs, tous, tant qu'ils sont, lui donneraient chacun une brebis noire allaitante un agneau. Et ce don serait sans égal, et toujours il serait admis à nos repas et à nos fêtes. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets. Mais le brave Diomédès répondit, « Nestor, mon cœur et mon esprit courageux me poussent à entrer dans le camp prochain des guerriers ennemis. Mais si quelque héros veut me suivre, mon espoir sera plus grand, et ma confiance sera plus ferme. Quand deux hommes marchent ensemble, l'un conçoit avant l'autre ce qui est utile. Ce n'est pas qu'un seul ne le puisse, mais son esprit est plus lent et sa résolution est moindre. » Il parla ainsi, et beaucoup voulurent le suivre. Les deux Aias, nourrissons d'Arès, et le fils de Nestor, et Mériones, et l'Atréide Ménélaos, illustre par sa lance. L'audacieux Odysseus voulut aussi pénétrer dans le camp des Troyens. Et le roi des hommes, Agamemnon, parla ainsi au milieu d'eux. « Tidéi Diomédès, le plus cher à mon âme, choisis dans le meilleur de ces héros le compagnon que tu voudras, puisque tous s'offrent à toi. Mais ne néglige point, par respect, le plus robuste pour un plus faible, même s'il était un roi plus puissant. » Il parla ainsi, et il craignait pour le blond Ménélaos. Mais le brave Diomédès répondit, « Puisque tu m'ordonnes de choisir moi-même un compagnon, comment pourrais-je oublier le divin Odysseus, qui montre dans tous les travaux un cœur irréprochable et un esprit viril, et qui est aimé de Pallas Athénée. S'il m'accompagne, nous reviendrons tous deux du milieu des flammes, car il est plein d'intelligence. » Et le patient et divin Odysseus lui répondit, « Tidéi Diomédès, ne me loue ni ne me blâme outre mesure. Tu parles au milieu des Argiens qui me connaissent. Allons, la nuit passe, déjà l'aube est proche, les étoiles s'inclinent. » Les deux premières parties de la nuit se sont écoulées, et la troisième seule nous reste. » Ayant ainsi parlé, ils se couvrirent de leurs lourdes armes. Thrasymédès, ferme au combat, donna au Tidéide une épée à deux tranchants, car la sienne était restée sur les nefs, et un bouclier. Et Diomédès mit sur sa tête un casque fait d'une peau de taureau, terne et sans crinière, tel qu'en portaient les plus jeunes guerriers. Et Mériones donna à Odysseus un arc, un carquois, et une épée. Et le Laertiade mit sur sa tête un casque fait de peau, fortement lié, en dedans, de courroies, que les dents blanches d'un sanglier hérissaient de toutes parts au dehors, et couvert de poils au milieu. Autolycos avait autrefois enlevé ce casque dans Éléon, quand il força la solide demeure d'Amintor, Orménide. Et il le donna, dans Scandia, au Kythérien, Amphidamas, et Amphidamas le donna à son hôte, Molos, et Molos à son fils Mériones. Maintenant Odysseus le mit sur sa tête. Et après avoir revêtu leurs armes, les deux guerriers partirent, quittant les autres chefs. Et Pallas Athénée envoya au bord de la route un héron propice qu'ils ne virent point dans la nuit obscure, mais qu'ils entendirent crier. Et Odysseus, tout joyeux, pria Athénée, « Entends-moi, fille de Zeus tempétueux, toi qui viens à mon aide dans tous mes travaux, et à qui je ne cache rien de tout ce que je fais. À cette heure, sois-moi favorable encore, Athénée, accorde-nous de revenir vers nos nefs illustres, ayant accompli une grande action qui soit amère aux Troyens. » Et le brave Diomédès la pria aussi. « Entends-moi, fille indomptée de Zeus, protège-moi maintenant, comme tu protégeas le divin Tydéus, mon père, dans Thébée, où il fut envoyé par les Achaïens. Il laissa les Achaïens cuirassés sur les bords de l'Asopos, et il portait une parole pacifique aux Cadméens. Mais, au retour, il accomplit des actions mémorables, avec ton aide, déesse, qui le protégeait. Maintenant, sois-moi favorable aussi, et je te sacrifierai une génisse d'un an, au large front, indomptée, car elle n'aura jamais été soumise aux joues. Et je te la sacrifierai en répandant de l'or sur ses cordes. » Ils parlèrent ainsi en priant, et Pallas Athénée les entendit. Et après qu'ils eurent prié la fille du grand Zeus, ils s'avancèrent comme deux lions, à travers la nuit épaisse, et le carnage, et les cadavres, et les armes, et le sang noir. Mais Hector aussi n'avait point permis aux Troyens magnanimes de dormir. Il avait convoqué les plus illustres des chefs et des princes, et il délibérait prudemment avec eux. « Qui d'entre vous méritera une grande récompense en me promettant d'accomplir ce que je désire ? Cette récompense sera suffisante. Je lui donnerai un char et deux chevaux au beau col, les meilleurs d'entre tous ceux qui sont auprès des nefs rapides des Achaïens. Il remporterait une grande gloire celui qui oserait approcher des nefs rapides, et reconnaître si les Argiens veillent toujours devant les nefs, ou si, domptés par nos mains, ils se préparent à fuir, et ne veulent plus même veiller pendant la nuit, accablés par la fatigue. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets. Et il y avait parmi les Troyens Dolon, fils de Médos, divin héros, riche en or et en airain. Dolon n'était point beau, mais il avait des pieds agiles, et c'était un fils unique avec cinq sœurs. Il se leva, il dit à Hector et aux Troyens, « Hector, mon cœur et mon esprit courageux me poussent à aller vers les nefs rapides, à la découverte. Mais lève ton sceptre et jure que tu me donneras les chevaux et le char orné d'airain qui porte l'irréprochable Péléon. Je ne te serai point un espion inhabile et au-dessous de ton attente. J'irai de tous côtés dans le camp et je parviendrai jusqu'à la nef d'Agamemnon où, sans doute, les premiers d'entre les rois délibèrent s'il faut fuir ou combattre. » Il parla ainsi, et le Priamite saisit son sceptre et fit ce serment. « Que l'époux de Héré, Zeus au grand bruit le sache, nul autre guerrier troyen ne sera jamais traîné par ses chevaux, car ils n'illustreront que toi seul, selon ma promesse. » Il parla ainsi, jurant un vain serment, et il excita Dolon, et celui-ci jeta aussitôt sur ses épaules un arc recourbé, se couvrit de la peau d'un loup blanc, mit sur sa tête un casque de peau de belette et prit une lance aiguë. Il s'avança vers les nefs, hors du camp. Mais il ne devait point revenir des nefs rendre compte à Hector de son message. Lorsqu'il eut dépassé la foule des hommes et des chevaux, il courut rapidement. Et le divin Odysseus le vit arriver et dit à Diomédès, « Ô Diomédès, cet homme vient du camp ennemi. Je ne sais s'il veut espionner nos nefs ou dépouiller quelques cadavres parmi les morts. Laissons-le nous dépasser un peu dans la plaine, et nous le poursuivrons, et nous le prendrons aussitôt. S'il court plus rapidement que nous, pousse-le vers les nefs, loin de son camp, en le menaçant de ta lance, afin qu'il ne se réfugie point dans la ville. » Ayant ainsi parlé, ils se cachèrent hors du chemin parmi les cadavres, et le Troyen les dépassa promptement dans son imprudence. Et ils s'étaient à peine éloignés de la longueur d'un sillon que tracent deux mules, qui valent mieux que les bœufs pour tracer un sillon dans une terre dure, que les deux guerriers le suivirent. Et il les entendit, et il s'arrêta inquiet. Il pensait dans son esprit que ses compagnons accouraient pour le rappeler par l'ordre de Hector. Mais, à une portée de trait environ, il reconnut des guerriers ennemis, et agitant ses jambes rapides, il prit la fuite, et les deux Argiens le poussaient avec autant de hâte. Ainsi que deux bons chiens de chasse, aux dents aiguës, poursuivent de près, dans un bois, un faon ou un lièvre qui les devance en criant Ainsi le Tydéide et Odysseus, le destructeur de citadelles, poursuivaient ardemment le Troyen, en le rejetant loin de son camp. Et, comme il allait bientôt se mêler aux gardes en fuyant vers les nefs, Athénée donna une plus grande force au Tydéide, afin qu'il ne frappât point le second coup, et qu'un des Achaïens cuirassés ne pût se glorifier d'avoir fait la première blessure. Et le robuste Diomédès, agitant sa lance, parla ainsi. « Arrête, ou je te frapperai de ma lance, et je ne pense pas que tu évites longtemps de recevoir la dure mort de ma main. » Il parla ainsi, et fit partir sa lance, qui ne perça point le Troyen. Mais la pointe du trait effleura seulement l'épaule droite et s'enfonça en terre. Et Dolon s'arrêta plein de crainte, épouvanté, tremblant, pâle, et ses dents claquaient. Et les deux guerriers, haletants, lui saisirent les mains, il leur dit en pleurant « Prenez-moi vivant, je me rachèterai. J'ai dans mes demeures de l'or et du fer propre à être travaillé. Pour mon affranchissement, mon père vous en donnera la plus grande part, s'il apprend que je suis vivant sur les nefs des Achaïens. » Et le subtil Odysseus lui répondit « Prends courage, que la mort ne soit pas présente à ton esprit. Mais dis-moi la vérité. Pourquoi viens-tu seul de ton camp vers les nefs par la nuit obscure, quand tous les hommes mortels sont endormis ? Serait-ce pour dépouiller les cadavres parmi les morts, ou Hector t'a-t-il envoyé observer ce qui se passe auprès des nefs creuses, ou viens-tu de ton propre mouvement ?» Et Dolon, dont les membres tremblaient, leur répondit « Hector, contre ma volonté, m'a poussé à ma ruine. Ayant promis de me donner les chevaux aux sabots massifs de l'illustre Péléon et son char orné d'airain, il m'a ordonné d'aller et de m'approcher, pendant la nuit obscure et rapide, des guerriers ennemis, et de voir s'ils gardent toujours leur nef rapide. Ou si, domptés par nos mains, vous délibérez, prêts à fuir, et ne pouvant même plus veiller, étant rompus de fatigue. » Et le subtil Odysseus, en souriant, lui répondit « Certes, tu espérais dans ton esprit une grande récompense, en désirant les chevaux du brave Aïakide, car ils ne peuvent être domptés et conduits par des guerriers mortels, sauf par Achilleus, qu'une mère immortelle a enfanté. Mais dis-moi la vérité. Où as-tu laissé Hector, prince des peuples? Où sont ses armes belliqueuses et ses chevaux? Où sont les sentinelles et les tentes des autres Troyens? Dis-nous s'ils délibèrent entre eux, soit qu'ils aient dessein de rester où ils sont, loin des nefs, soit qu'ils désirent ne rentrer dans la ville qu'après avoir dompté les Achaïens. » Et Dolon, fils de Médos, lui répondit « Je te dirai toute la vérité. Hector, dans le conseil, délibère auprès du tombeau du divin Ilos, loin du bruit. Il n'y a point de garde autour du camp, car tous les Troyens veillent devant leur feu, pressés par la nécessité et s'excitant les uns les autres. Mais les alliés venus de diverses contrées dorment tous, se fiant à la vigilance des Troyens, et n'ayant avec eux ni leurs enfants ni leurs femmes. » Et le subtil Odysseus leur dit « Sont-ils mêlés aux braves Troyens, ou dorment-ils à l'écart ? Parle clairement, afin que je comprenne. » Et Dolon, fils de Médos, lui répondit « Je te dirai toute la vérité. Auprès de la mer sont les Cariens, les Païones aux arcs recourbés, les Lélèges, les Cocones et les divins Pélages. Du côté de Timbré sont les Lycains, les Mysiens orgueilleux, les cavaliers Phrygiens et les Maïones qui combattent sur des chars. Mais pourquoi me demandez-vous ces choses ? Si vous désirez entrer dans le camp des Troyens, les Tréquiens récemment arrivés sont à l'écart, aux extrémités du camp, et leur roi, Rhésos, Ionéide, est avec eux. J'ai vu ces grands et magnifiques chevaux. Ils sont plus blancs que la neige et semblables au vent quand ils courent. Et j'ai vu son char orné d'or et d'argent, et ses grandes armes d'or, admirables aux yeux, et qui conviennent moins à des hommes mortels qu'aux dieux qui vivent toujours. Maintenant, conduisez-moi vers vos nefs rapides, ou, m'attachant avec des liens solides, laissez-moi ici jusqu'à votre retour, quand vous aurez reconnu si j'ai dit la vérité ou si j'ai menti. » Et le robuste Diomédès, le regardant d'un œil sombre, lui répondit « Dolon, ne pense pas m'échapper, puisque tu es tombé entre nos mains, bien que tes paroles soient bonnes. Si nous acceptons le prix de ton affranchissement, et si nous te renvoyons, certes, tu reviendras auprès des nefs rapides des Achaïens pour espionner ou combattre. Mais si tu perds la vie, dompté par mes mains, tu ne nuiras jamais plus aux Argiens. » Il parla ainsi, et comme Dolon le suppliait en lui touchant la barbe de la main, il le frappa brusquement de son épée, au milieu de la gorge, et trancha les deux muscles. Et le Troyen parlait encore quand la tête tomba dans la poussière, et ils arrachèrent le casque de peau de belette et la peau de loup et l'arc flexible et la longue lance. Et le divin Odysseus, les soulevant vers le ciel, les voua en priant à la dévastatrice Athénée. « Réjouis-toi de ces armes, déesse, nous t'invoquons, toi qui es la première entre tous les Olympiens immortels. Conduis-nous où sont les guerriers tréquiens, leurs chevaux et leurs tentes. » Il parla ainsi et, levant les bras, il posa ses armes sur un tamaris qu'il marqua d'un signe en nouant les roseaux et les larges branches, afin de les reconnaître au retour dans la nuit noire. Ils marchèrent ensuite à travers les armes et la plaine sanglante, et ils parvinrent bientôt aux tentes des guerriers tréquiens, et ceux-ci dormaient, rompus de fatigue. Et leurs belles armes étaient couchées à terre auprès d'eux, sur trois rangs. Et, auprès de chaque homme, il y avait deux chevaux, et au milieu dormait Rhésos, et auprès de lui, ses chevaux rapides étaient attachés avec des courroies, derrière le char. Et Odysseus le vit le premier, et il le montra à Diomédès. « Diomédès, voici l'homme et les chevaux dont nous a parlé Dolon, que nous avons tué. Allons, use de ta force, et sers-toi de tes armes. Détache ces chevaux, ou je le ferai moi-même, si tu préfères. » Il parla ainsi, et Athénée, aux yeux clairs, donna une grande force à Diomédès. Et il tuait çà et là, et ceux qu'il frappait de l'épée gémissaient, et la terre ruisselait de sang. Comme un lion tombant au milieu de troupeaux sans gardien, se rue sur les chèvres et les brebis, ainsi le fils de Tydéus se rua sur les Tréquiens, jusqu'à ce qu'il en eût tué 12. Et dès que le Tydéide avait frappé, Odysseus, qui le suivait, traînait à l'écart le cadavre par les pieds. Pensant dans son esprit que les chevaux aux belles crinières passeraient plus librement et ne s'effaroucheraient point, n'étant pas accoutumés à marcher sur les morts. Et lorsque le fils de Tydéus s'approcha du roi, ce fut le 13e qu'il priva de sa chère âme, et sur la tête de Rhésos, qui râlait, un songe fatal planait cette nuit-là, sous la forme de l'Oïnéide et par la volonté d'Athénée. Cependant, le patient Odysseus détacha les chevaux aux sabots massifs, et, les liant avec les courroies, il les conduisit hors du champ, les frappant de son arc, car il avait oublié de saisir le fouet étincelant resté dans le bouchard. Et alors, il siffla pour avertir le divin Diomédès, et celui-ci délibérait dans son esprit si, avec plus d'audace encore, il n'entraînerait point par le timon le char où étaient déposées les belles armes, ou s'il arracherait la vie à un plus grand nombre de Tréquiens. Pendant qu'il délibérait ainsi dans son esprit, Athénée s'approcha et lui dit « Songe au retour, fils du magnanime Tydéus, de peur qu'un dieu n'éveille les Troyens et que tu ne sois contraint de fuir vers les nefs creuses. » Elle parla ainsi, et il comprit les paroles de la déesse. Il sauta sur les chevaux, et Odysseus les frappa de son arc. Il volait vers les nefs rapides des Achaïens. Mais Apollon, à l'arc d'argent, de ses yeux perçants, vit Athénée auprès du fils de Tydéus. Irrité, il entra dans le camp des Troyens et réveilla le chef tréquien, Hippocoon, brave parent de Rhésos. Et celui-là, se levant, vit déserte la place où étaient les chevaux rapides et les hommes palpitant dans leur sang. Et il gémit, appelant son cher compagnon par son nom. Et une immense clameur s'éleva parmi les Troyens qui accouraient. Il s'étonnait de cette action audacieuse et que les hommes qu'il avait accomplis fussent retournés sains et saufs vers les nefs creuses. Et quand ceux-ci furent arrivés là où ils avaient tué l'espion de Hector, Odysseus, cher à Zeus, arrêta les chevaux rapides, et le Tydéide, sautant à terre, remit aux mains d'Odysseus les dépouilles sanglantes, et remonta. Ils excitèrent les chevaux qui volaient avec ardeur vers les nefs creuses. Et le premier Nestor entendit leur bruit et dit « Ô amis, chefs et princes des Argiens, mentirai-je ou dirai-je vrai? Mon cœur m'ordonne de parler. Le galop de chevaux rapides frappe mes oreilles. Plaise au dieu que déjà Odysseus et le robuste Diomédès aient enlevé aux Troyens des chevaux aux sabots massifs. Mais je crains avec véhémence dans mon esprit que les plus braves des Argiens n'aient pu échapper à la foule des Troyens. » Il avait à peine parlé et les deux rois arrivèrent et descendirent. Et tous, pleins de joie, les saluèrent de la main avec des paroles flatteuses. Et le premier, le cavalier gérénien Nestor, les interrogea. « Dis-moi, Odysseus, comblé de louanges, gloire des Achaïens, comment avez-vous enlevé ces chevaux? Est-ce en entrant dans le camp des Troyens, ou avez-vous rencontré un dieu qui vous en ait fait don, Ils sont semblables aux rayons de Hélios. Je me mêle certes toujours aux Troyens, et je ne pense pas qu'on m'ait vu rester auprès des nefs, bien que je sois vieux. Mais je n'ai jamais vu de tels chevaux. Je soupçonne qu'un dieu vous les a donnés, car Zeus qui amasse les nuées vous aime tous deux, et Athénée aux yeux clairs, fille de Zeus tempétueux, vous aime aussi. » Et le subtil Odysseus lui répondit « Ô Nestor, Néléade, gloire des Achaïens, sans doute un dieu, s'il l'eût voulu, nous eût donné des chevaux même au-dessus de ceux-ci, car les dieux peuvent tout. Mais ces chevaux sur lesquels tu m'interroges, ô vieillard, sont tréquiens et arrivés récemment. Le hardi Diomédès a tué leur roi et 12 des plus braves compagnons de celui-ci. Nous avons tué, non loin des nefs, un 14e guerrier, un espion que Hector et les illustres Troyens envoyaient dans notre camp. » Il parla ainsi, joyeux, et fit sauter le fossé aux chevaux. Et les autres chefs argiens, joyeux aussi, vinrent jusqu'à la tente solide du Tydéide. Et ils attachèrent, avec de bonnes courroies, les étalons tréquiens à la crèche, devant laquelle les rapides chevaux de Diomédès se tenaient, broyant le doux froment. Et Odysseus posa les dépouilles sanglantes de Dolon sur la poupe de sa nef, pour qu'elles fussent vouées à Athénée. Et tous deux, étant entrés dans la mer pour enlever leur sueur, lavèrent leurs jambes, leurs cuisses et leurs épaules, et après que l'eau de la mer eut enlevé leur sueur et qu'ils se furent ranimés, ils entrèrent dans des baignoires polies. Et, s'étant parfumés d'une huile épaisse, ils s'assirent pour le repas du matin, puisant dans un plein cratère pour faire, en honneur d'Athénée, des libations de vin doux.